who were the people I was going to meet in Antarctica at the end of the world? What were their dreams? Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. Les pôles sont menacés. Les paysages blancs qui les constituent s'étiolent, les glaces fondent, se fendent, se détachent et vont se perdre dans l'eau à jamais. Les pôles, pourtant, sont essentiels à l'équilibre du climat et ils représentent, surtout au sud, une très grande part des réserves d'eau douce de la planète. Les pôles fascinent. Il paraît que ceux qui les ont fréquentés les ont en eux pour toujours et n'ont de cesse de vouloir y retourner. C'est le cas de Jean-Louis Etienne qui va raconter aujourd'hui pour les s'aventuriers l'histoire de la découverte des pôles. Jean-Louis Etienne est un grand explorateur polaire. Il s'est très vite intéressé à l'aspect médical de la physiologie humaine dans des conditions extrêmes. Mais ce sont ses expéditions au pôle sud et nord qui l'ont fait connaître. Il n'a pas été le premier à se lancer dans l'aventure. Les s'aventuriers. Une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Le pôle Nord est au milieu d'un immense océan qui s'appelle l'océan Arctique. C'est un océan qui est recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise, qui fait aujourd'hui 1,20 m, elle s'amenuise. C'est une sorte de coquille d'œuf de glace sur un océan qui fait 3000, 4000, 5000 mètres de profondeur. Et cet océan, il est entouré par des pays que l'on connaît tous, la Russie, l'Alaska, le Canada, l'Islande, le Danemark. Voilà. Donc c'est un océan fermé qui est recouvert par une couche de banquise. Et le pôle Nord est au milieu. Le pôle Sud, de l'autre côté, c'est l'inverse. C'est un immense continent qui est grand, à peu près comme 28 fois la France. Si vous faites un puzzle avec 28 France, vous voyez, vous recouvrez le tout d'une épaisseur de glace de 2,5 km. Donc c'est l'immense glaçon qui se trouve au pôle sud. C'est la grande réserve d'eau de la planète. Donc en haut, au pôle nord, c'est un océan gelé, entouré de terre. Au sud, c'est un continent couvert de glace, entouré d'un océan. Alors l'attraction pour les régions polaires, je pense qu'elle s'apparente à l'amour des déserts. Ce sont des déserts froids, et c'est en fait le froid qui fait de ces immensités des régions en apparence inhospitalières, parce qu'on n'aime pas le froid. Mais le froid est la composante essentielle qui fait de ces immensités des déserts. Et je pense qu'on va chercher le désert. Et quand on va dans les déserts, on va un peu chercher soi-même, quoi. L'Arctique, c'est au nord, Arcturus, la terre de l'ours, l'ours blanc. Et à l'opposé, vous avez l'Antarctique, il n'y a pas d'ours. Il ne faut jamais dessiner un ours en Antarctique, il faut dessiner un manchot. Et l'ambassadeur du Grand Nord, de l'Arctique, c'est un ours. Le pôle Nord, bien sûr, c'est quelque chose qui a attiré les hommes, la découverte de cette immensité qui est recouverte de glace. Pratiquement tous les bateaux qui ont tenté d'arriver de traverser cette banquise, la majorité se sont fait broyer. Et beaucoup ont disparu. Il faut voir qu'il y a eu un déchet humain colossal pour essayer d'atteindre ce pôle qui était là. Les bateaux se sont lancés à cette découverte. Et les premiers qui auraient atteint le pôle Nord, c'est Peary et Cook. Peary, c'est un Américain. Et Cook est un autre Américain qui a revendiqué lui aussi le pôle Nord. Il y a eu une querelle, une bagarre entre Peary et Cook aux États-Unis. On peut accorder à Peary la conquête du pôle Nord parce qu'il a passé 25 ans de sa vie à l'atteindre. Donc Peary serait le premier homme avec son équipe qui a atteint le pôle Nord. Peary était quelqu'un qui était passionné par cette idée. Il était habité par cette idée d'atteindre le pôle Nord. Il a longtemps essayé, fait de nombreuses tentatives. En 1909, il pense avoir atteint le pôle Nord. Il est avec une équipe, il a quelques autochtones avec lui qui l'amènent et il revient. Donc notre interrogation, c'est est-ce qu'il l'a vraiment atteint, puisqu'on ne peut rien laisser au pôle Nord. C'est un homme d'une grande persévérance. Moi, pour y avoir passé du temps sur ce chemin, avoir essayé pendant 25 ans, comme Peary l'a fait, d'atteindre le pôle Nord, Je pense qu'on peut lui accorder cette découverte. Le pôle Nord de Robert Edwin Perry, lu par le comédien Vincent Grasse. 3 avril 1909. Le sol, support glacé, était le meilleur que nous eussions encore vu depuis la Terre. Les glaçons étaient larges et vieux, forts et unis, tachetés de bleu saphir par les mares de l'été précédent. Quoique les arêtes de pression qui nous entouraient fussent immenses, quelques-unes d'entre elles avaient jusqu'à 15 mètres de haut, elles n'étaient pas particulièrement difficiles à franchir, soit par une brèche, soit en gravissant la pente progressive de quelque immense amas de neige. Le brillant soleil, la marche aisée, dès que nous n'étions plus sur les arêtes de pression, la conscience d'en être enfin au dernier bout de notre route, la joie de me trouver de nouveau en tête, tout cela me grisait. Il me semblait me dépouiller de mes années. Je ressentais ce que j'avais ressenti 15 ans plus tôt, alors que je conduisais ma petite expédition à travers la grande calotte glacée du Groenland, laissant chaque jour 20 à 25 milles derrière mes raquettes, et lors des coups de collier, franchissant jusqu'à 30 et 40 milles par étape. Et le voyage est pire. Il parle de pente de glace. Il faut comprendre que cette banquise qui recouvre l'océan Arctique, elle dérive. Elle se casse par endroits. Quand elle se casse, elle libère de l'eau libre, c'est-à-dire on voit l'océan qui regèle tout d'un coup. Donc on passe sur des glaces qui sont très dangereuses. Perry a perdu des équipiers qui sont passés à travers cette glace dangereuse et disparus. C'est très difficile de remonter. Et à d'autres endroits, il y a une tectonique de la glace, il y a des compressions, il y a des crêtes de compression qui font des fois des kilomètres, qui font 4, 5, 6 mètres de hauteur. Donc c'est un vrai parcours du combattant. Il faut tirer son traîneau, passer par-dessus les crêtes de compression. Après, faire attention sur des glaces plus jeunes, de ne pas passer à travers, sinon on a peu de chances d'en sortir. Donc c'est un parcours qui demande beaucoup, beaucoup de vigilance. Perry revendique le pôle Nord. Quand on parle de pôle Nord, moi quand je parle de pôle Nord, je parle du pôle Nord géographique. Le pôle Nord géographique, c'est par où passe l'axe de rotation de la Terre. C'est le nord des cartes. Le pôle Nord magnétique, c'est l'endroit où le magnétisme terrestre entre dans la Terre. Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le champ magnétique qui entoure la Terre. La Terre se comporte comme un aimant, en fait. Et il y a un champ magnétique qui entre par le pôle Nord et qui sort par le pôle Sud. Et il n'est pas exactement au même endroit. Ce pôle Nord magnétique, c'est celui qui attire l'aiguille aimantée de la boussole. Vous voyez donc, vu d'ici, quand vous prenez une boussole, elle s'oriente, elle va montrer la trajectoire de ce champ magnétique qui arrive au pôle Nord. Et si vous voulez aller au pôle Nord géographique, la boussole, au bout d'un moment, ne vous indique plus rien. Il y a un autre personnage qui est fascinant, c'est Fridtjof Nansen. C'est un Norvégien qui a eu une idée assez intéressante, qui a fonctionné. C'est que tous les bateaux qui essayaient d'atteindre le pôle Nord géographique devaient traverser la banquise et pratiquement tous se sont fait serrer et broyer et ont disparu. Vous voyez, quand la banquise, vous trouvez votre chemin, la banquise à un moment donné vous serre parce qu'il y a du vent, etc. Ces bateaux en bois étaient serrés, ça craquait de partout. Et à un moment donné, quand il y a une relâche de la pression, plouf, les bateaux coulaient et tout le monde disparaissait. Nansen a eu cette idée de faire un bateau très rond, costaud, avec une double coque en chêne et très rond de manière à ce que quand il se fait serrer, si vous voulez, par la glace, il est tellement rond qu'il monte, il esquive, il échappe à l'écrasement par la banquise. Et comme ça, il est allé dériver et pendant 2 ans, il a dérivé avec la banquise. Il n'est pas passé au pôle Nord, il a essayé de le tenter, il a quitté son bateau. Il n'a pas atteint le pôle Nord parce qu'il a vu que c'était impossible dans le temps imparti. Ils sont revenus, le bateau bien sûr avait dérivé, c'était une époque où on n'avait pas de repères, pas de radio, rien du tout. Il est revenu à terre, il a repassé un hiver et il a été découvert par une autre mission. Et Nansen a eu l'audace de monter ce projet. Et dans sa trajectoire de vie, Nansen qui était un scientifique a en plus été prix Nobel de la paix. Il a inventé le passeport Nansen qui est le passeport des réfugiés politiques. Donc c'est un homme qui est remarquable. Nansen a, dans sa dérive, a jeté les bases de l'océanographie, notamment ce qu'on appelle la force de Coriolis. C'est une force, si vous voulez, qui fait que quand on vide un évier, par exemple, vous videz un évier ici, par exemple, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère sud, à l'inverse. Et ça, c'est une force qui est liée à la rotation de la Terre. Il l'a découvert dans sa dérive. C'est un océanographe remarquable. Vers le pôle, de Fridtjof Nansen, paru en 1897, lu par Eric Oswald. toutes les apparences indiquent que maintenant nous sommes définitivement pris dans la banquise. Et je ne m'attends plus à voir le Fram hors de la glace que lorsqu'il sera arrivé de l'autre côté du pôle, dans le voisinage de l'Atlantique. Dans la soirée, je me promène sur la banquise. Il n'existe rien de plus merveilleusement beau que cette nuit arctique. C'est le pays des rêves, coloré des teintes les plus délicates que l'on puisse imaginer. C'est la couleur irréelle. Les nuances se fondent les unes dans les autres dans une merveilleuse harmonie. Dans les champs de glace apparaissent de froides ombres bleu foncé et ça et là, les hautes arêtes de la banquise s'allument de lueurs roses, dernier reflet du jour mourant. Son bateau s'appelait bien sûr le Fram, il est toujours visible, il est au musée du Fram à Oslo. Et les lumières qu'il décrit, ce sont les aurores boréales. Dans la nuit polaire, le ciel est souvent illuminé par ces aurores boréales qui sont les témoins d'éruptions solaires. On appelle les aurores boréales dans le nord, les aurores australes dans le sud. C'est quand ce sont les rayons électromagnétiques du soleil qui traversent notre champ magnétique. Ça illumine la nuit, c'est prenant. Un personnage, bien sûr, en France dont il faut parler, qui nous a beaucoup inspiré, c'est Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor nous a ramené les premières images, on va dire, des Inuits. Il est allé hiverner, il a passé un hiver avec eux. Il a été amené là-bas par Charcot, un autre personnage français important que l'on retrouvera en Antarctique. Et Paul-Émile Victor a fait œuvre d'ethnologie. Il a fait un travail remarquable sur la vie des Inuits. Ensuite, il a traversé le Groenland. C'est un personnage qui est un merveilleux conteur, un personnage emblématique de la recherche polaire française. Janvier 1946, Radiodiffusion française, Paul-Émile Victor interviewé par Monique Berger. Je vais vous poser d'abord une question assez simplette, mais qui intéressera tout le public. Comment vit-on dans l'Arctique ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord éliminer une première idée générale, que dans l'Arctique, il fait toujours froid. Et il ne fait pas toujours froid ? C'est une profonde erreur. En été, certaines régions de l'Arctique sont très agréables à vivre, et certaines autres sont même beaucoup trop chaudes. Au centre de l'Alaska, par exemple, à Fort Yukon, il est très fréquent de voir en été des températures qui montent jusqu'à 30, 35 et même 40 degrés à l'ombre. Et on y souffre davantage de la chaleur à cause des moustiques qui sont par milliards et desquels on est obligé de se protéger en portant des vêtements serrés aux poignets, serrés aux chevilles, des gants, des chapeaux et des moustiquaires. L'histoire des moustiques est une réalité, c'est toujours contemporain, si vous voulez. Ces immenses étendues qui fondent, si vous voulez, ce sont des zones humides. Et dans les zones humides, effectivement, il y a des éclosions de moustiques. Quand vous êtes sur la côte du Groenland, quand vous allez au nord de la Russie, en Sibérie, au Canada, ces immensités, effectivement, sont infestées par les moustiques, en général, en juillet-août, puis ça disparaît. En hiver, la vie ne s'arrête pas. En hiver, vous avez qui apparaissent, ce sont les animaux blancs. La nature est bien faite, si vous voulez, tous les animaux prennent une tenue de camouflage. Vous avez la perdrix des neiges, vous avez le lièvre blanc, vous avez le renard blanc, vous avez l'ours, bien sûr. Le loup prend sa tenue. Il y a une mue, il prend sa tenue, son pelage d'hiver. Ce sont des animaux qui ont mis des millénaires à s'habituer à cette vie et qui vivent dehors par des températures qui peuvent faire moins 40 degrés. To look around, little girl just hears a sound. Today is the day of the whistling train. Today is the day of the blowing rain. Last day. Today is a day. day of the whistling sound. Little Girl and the Whistling Train, c'était Inspecteur Clouseau. Les aventuriers sur France Inter. De nombreux explorateurs ont déployé une énergie fantastique pour convaincre leurs États de financer leurs expéditions au pôle, en particulier en Antarctique. Ce Grand Sud a été évoqué dès l'Antiquité par Aristote. Le navigateur Magellan a raconté avoir vu des terres glacées alors qu'il contournait l'Amérique du Sud en 1520. Et c'est le Français Jules Dumont d'Urville qui mettra le premier le pied sur ce continent du bout du monde en 1838. Jean-Louis Étienne, explorateur polaire. L'Antarctique, c'est un continent qui est entouré par un océan furieux, les fameux 40e hurlant, 50e rugissant, un continent difficile d'accès. Et donc de nombreuses tentatives ont été faites, beaucoup ont échoué, et ça s'est longtemps appelé la Terra Incognita. Sur la carte, il y avait Terra Incognita, on ne savait pas ce qu'il y avait au pôle sud. La terre la plus proche, c'était le Cap Horn, et de là partaient les premiers qui se sont rapprochés de ce continent vers la péninsule antarctique, et cet appendice qui sort du continent du pôle sud, ce sont les fauquiers, les chasseurs de baleines et les fauquiers qui, c'était leur aire de chasse. Ils ne faisaient pas beaucoup de relations sur leur découverte, si vous voulez. Parmi les premiers explorateurs qui ont mis le pied sur le continent antarctique, bien sûr, il faut citer parmi les Français Dumont d'Urville. Dumont d'Urville, dont la base française en Antarctique porte son nom, Dumont d'Urville, et cette terre-là, il l'a appelée la Terre Adélie, du nom de sa femme. Et donc, ça reste toujours l'emplacement de la base de recherche française à Dumont d'Urville. Dumont d'Urville était mandaté pour aller faire cette exploration. C'était un marin de la Marine nationale. On peut dire que la France, à travers Dumont d'Urville, est le premier pays qui a posé le pied sur ce continent. Il est parti avec deux navires, l'Astrolabe et la Zélée, deux navires de la marine nationale, effectivement, avec des équipages conséquents. À l'époque, on partait avec des équipages importants et il n'a pas connu de pertes. La conquête du pôle Sud est marquée en 1911 par une compétition acharnée entre deux explorateurs que tout oppose, Robert Falcon Scott et Roald Amundsen, deux légendes qui marquent encore l'histoire de l'exploration polaire. Amundsen, qui est un Norvégien, et le Britannique Scott. Amundsen part avec des chiens. Amundsen, c'est un homme de l'Arctique. L'homme qui connaît l'expérience des traîneaux chiens, il part avec des chiens. On ne pourrait pas le refaire aujourd'hui parce qu'en fait, il partait avec des traîneaux très chargés, tirés par des chiens, beaucoup de chiens qui tirent la nourriture des chiens. Et au fur et à mesure que vous avancez, si vous voulez, la nourriture a été mangée. Donc il sacrifiait des chiens, dont il les plantait, ça gèle tout de suite. Il en faisait ce qu'on appelle des cairns, des repères. Et quand il a atteint le pôle sud, si vous voulez, sur la route du retour, les chiens mangeaient les carcasses de chiens congelés. C'est une expédition qu'on ne peut plus refaire aujourd'hui, mais ça a été sa stratégie. Les Anglais avaient fait une autre stratégie en prenant des poneys de Mandchourie. C'était quand même pas très pensé d'amener des poneys qui sont des herbivores sur un continent de glace où rien ne pousse, vous voyez. Et ces pauvres poneys étaient trop lourds, s'enfonçaient à travers les crevasses, etc. Donc Amundsen arrive au pôle sud, il est le premier, il plante le drapeau norvégien et il laisse une tente dont il n'avait plus besoin et il revient. Un mois après, Scott et son équipe tirent leur traîneau. Ils sont déjà mal en point, en retard. Ils arrivent au pôle sud. Et qu'est-ce qu'ils voient de loin? Une tente avec, en haut, le drapeau norvégien. C'est un déchirement. Ils se rendent compte qu'il y a une petite lettre d'Amundsen, un peu cynique, qui leur souhaite la bienvenue au pôle sud. Et ils reviendront avec la blessure de ne pas avoir été les conquérants du pôle. Ils étaient en retard et surtout, ils ont une très, très, très mauvaise météo exceptionnelle. Et un après l'autre, tous mourront sur le chemin du retour. Donc, de la conquête du pôle Sud, Amundsen est le vainqueur, si vous voulez, mais les autres sont des héros. Ils sont revenus en héros. Donc, on a retrouvé, bien sûr, les corps sous une tente. Donc, ça reste pour les Britanniques un acte héroïque. Et Amundsen sera, bien sûr, le grand vainqueur du pôle Sud. Un personnage fascinant de l'exploration de l'Antarctique, donc du continent du pôle Sud, c'est Shackleton, c'est un Anglais. Il a en projet de traverser le continent antarctique. Et il s'approche, bien sûr, de la mer de Weddell avec un bateau qui s'appelle l'Endurance. Et l'Endurance, à cette époque-là, déjà, il avait un caméraman. Et ce sont des images que l'on connaît, l'épopée de l'Endurance. On voit ce bateau qui se fait broyer, le mât qui tombe. Et ils sont sur cette mer de Weddell gelée. L'expédition qui a commencé en 1914, donc le bateau est pris, ils font un hivernage, le bateau se fait broyer par la glace et Shackleton, qui tient absolument à sauver ses hommes, amène jusqu'à l'eau libre une baleinière, c'était le bateau de secours de son grand navire, l'Endurance, qui se fait broyer, et il part en direction de la Géorgie du Sud. Mais c'est impensable aujourd'hui, si vous voulez, quand on voit sur cet océan, on est dans les 50e hurlant, ils sont sur une chaloupe, ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de... Et là, il y a des baleiniers, des chasseurs de baleines. D'abord, il fait l'ascension d'une montagne pour aller de l'autre côté, et là, il y a des baleiniers qui voient arriver des hommes couverts de graisse, mal au point, ils se demandent ce que c'est, et... Donc il se présente, Shackleton, qu'est-ce qui se passe? J'ai des hommes là-bas. Et donc, il y a un bateau qui part en Argentine et il va porter secours à ces hommes qui, jusqu'au bout, sont restés vivants, sont restés là dans l'espoir que Shackleton les ramènerait. Ils ont passé un hiver et Shackleton est venu les récupérer en 1917. Ils étaient tous vivants. Donc c'est ça la force de Shackleton qui impulsait à ses équipiers. Ils avaient confiance dans l'audace, dans l'instinct, dans la capacité de cet homme à ramener tout le monde vivant. C'est ce qui fait de Shackleton un héros remarquable. Alors la conquête du pôle Sud est une conquête géographique. C'est planter le pavillon du pays sur l'axe de rotation de la Terre. Vous voyez, les Français, dont Charcot est un remarquable représentant, n'a pas été attiré par cette conquête territoriale. Charcot ne s'est jamais lancé à l'intérieur des terres. Charcot était un navigateur, océanographe, et il avait à cœur de faire de la géographie polaire, d'essayer de découvrir, d'avoir une approche essentiellement scientifique. Il a été une première fois avec le français, premier hivernage, puis il est revenu avec le pourquoi pas, le célèbre pourquoi pas, si vous voulez, avec un deuxième hivernage. Et Charcot a ramené les premières cartes de géographie de la péninsule antarctique, avec de nombreux échantillons. Il a amené avec lui des personnes qui ont travaillé sur le magnétisme terrestre, sur la dérive de la banquise, sur une quantité de choses. C'était une approche essentiellement scientifique, celle de Charcot. Et Charcot continuera son exploration en Arctique. C'est lui qui a amené, dans une des dernières expéditions, qui a amené Pauline Lévi-Victor au Groenland. Et sur la route du retour, il s'arrête en Islande et il veut rentrer en France. Il est pris dans une énorme tempête et son bateau sera broyé sur la côte en Islande. Et Charcot mourra à ce moment-là au cours de ce naufrage. Et on ramènera les corps, ils auront droit à des obsèques nationales. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. Vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondus. Et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Dès le début la vie a pris. Et la lumière donnait à plein. C'était brutal et froid aussi. La peau bleuissait dans le bain. Quand c'est parti à toute allure, certains ont réduit la voilure. D'autres ne savaient pas freiner. Et tant d'arbres s'en sont mêlés. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. Vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondus. Et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. On avait des histoires en nombre. On n'avait qu'à se décider. Pour en prendre une et l'adopter. Et la faire entrer dans le monde. Matins pâles et bariolés se côtoyaient perçant la brume. Vacants de quart en quart de lune. Rien pouvait nous rassasier. Aujourd'hui n'existe plus. Vois les tunnels qu'on a pris. Vois à quoi ressemble la sortie. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Aube et crépuscule confondu. Et le flux semblable au reflux. Aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui n'existe plus. Dominique A sur France Inter. Aujourd'hui n'existe plus. Les aventuriers, Fabienne Chauvière. Les pôles sont des laboratoires à ciel ouvert pour les scientifiques. C'est dans les glaces des pôles que l'on a pu mesurer avec la plus grande certitude la radicalité des changements climatiques. Et c'est au pôle que l'on peut étudier l'histoire de la Terre ou les courants marins. Jean-Louis Étienne, explorateur polaire. Les premiers explorateurs polaires ont travaillé sur des choses comme le magnétisme. Mais les premiers à les cartographier, il faut comprendre que c'était terra incognita. La cartographie de l'Antarctique est extrêmement récente. Charcot y a participé. Mais la recherche polaire, si vous voulez, ce qui est intéressant en Antarctique, donc au pôle sud, c'est cette accumulation géante de glace. Ce sont les archives des grands événements de la Terre, les archives du climat. Vous voyez, quand il neige, la neige légère, parce qu'il neige en Antarctique, il est évident que toute cette glace, elle vient de l'accumulation de neige. Il neige très peu, c'est un désert, mais c'est sur des millions d'années que ça s'est accumulé. Et petit à petit, il y a de l'air entre les flocons, et petit à petit, elle se tasse. Et c'est cet air qui est emprisonné entre les flocons, va être emprisonné dans la glace. Et donc aujourd'hui, quand on fait des carottes de glace très profondes, aujourd'hui on arrive à 3000 mètres de profondeur, on a des archives du climat du dernier million d'années. C'est fondamental ce que l'on découvre, ça nous permet de dire, de voir que par l'étude de ces bulles d'air qui sont emprisonnées dans cette glace profonde, on a les archives du climat. On voit grâce aux glaces que l'on ramène de l'Antarctique, que la Terre a sa vie propre, qu'elle a connu des périodes glaciaires, froides, chaudes, etc. Donc ce sont les archives du climat. Elles nous rappellent que la Terre a sa vie propre et qu'aujourd'hui, on va vers une période de réchauffement normal qui se serait fait sur des millénaires. Elles nous montrent aussi que l'homme est devenu un acteur du climat parce que depuis 150 ans, dans cette glace, on voit tout d'un coup qu'une accélération de l'élévation de la température moyenne à la surface de la Terre, qui est la signature que l'homme est devenu un acteur du climat. Voilà une des choses que l'on ramène de l'Antarctique comme information importante. On étudie aussi le soleil. Vous voyez, il y a des périodes de 3 mois où le soleil est présent en permanence. Donc ça permet, avec des caches, si vous voulez, que l'on met sur le soleil, d'étudier les éruptions solaires, d'étudier les cycles solaires, parce qu'on le voit en permanence. Ces cycles solaires qui sont les auteurs responsables des aurores australes dans le sud, des aurores boréales. On étudie aussi la faune. Une faune très particulière, c'est une faune essentiellement océanique. Ce continent, c'est un grand désert. Vous faites 100 mètres à l'intérieur, bon, c'est de la glace. Il n'y a rien qui vit. La vie à l'Antarctique, elle est autour. C'est une vie qui est axée sur l'océan. Alors on trouve essentiellement tous, on connaît tous les manchots. Et il y a bien sûr des phoques, il y a des orques, il y a des baleines, il y a toute une faune. Et ce sont des zones de pêche très importantes. Et aujourd'hui, effectivement, on étudie énormément ces zones pour voir l'impact de l'activité humaine sur ces régions de notre planète. Les régions polaires, effectivement, sont des régions qui sont attrayantes pour les scientifiques. Donc le pôle Nord est au milieu d'un océan, il n'y a rien. Rien de vie sur cette banquise qui se déplace, qui fond en grande partie en été. Donc les bases scientifiques, elles sont russes, canadiennes, vous voyez, elles sont sur la Terre. La France a une station au Spitzberg. Le Spitzberg, c'est une île au nord de la Norvège. Elle a une station scientifique qui est là. Mais l'implantation scientifique, c'est surtout en Antarctique, au pôle sud. Vous avez donc la France qui a une base qui s'appelle la base Dumont-d'Urville. Elle a été maintenue même pendant les efforts de guerre. Et on le doit ça à Paul-Émile Victor. Paul-Émile Victor a été vraiment l'ambassadeur de cette présence scientifique française en Antarctique. Donc c'est lui qui a maintenu. Et cette base a commencé à la fin de la guerre, à la deuxième année géophysique internationale. Il a réussi à convaincre le général de Gaulle qu'il fallait malgré tout implanter, être présent. Donc il y a la France, il y a les Américains qui sont au pôle sud. Il y a aujourd'hui presque une trentaine de pays qui sont implantés à la périphérie de l'Antarctique. 30 novembre 1964, Interactualité. Paul-Émile Victor rentre de sa campagne d'été en Terre Adélie. Il est bien évident que chaque campagne d'été, chaque hivernage a un objectif bien déterminé. Vous savez que nos expéditions, qui sont permanentes depuis 1958 en Terre Adélie, ont un programme scientifique qui s'inclut dans un programme international. Je suppose que les conditions de séjour ont bien évolué depuis que vous avez commencé ces campagnes. Les conditions matérielles, climatiques, locales n'ont pas changé depuis des millénaires et peut-être depuis des millions d'années. Il y a toujours la glace, il y a le froid pendant la période d'été, c'est-à-dire actuellement. Ça n'a pas changé. Vous allez arriver au printemps. Comment se présente le printemps en Terre Adélie ? Il se présente un peu comme le printemps en haute montagne. Si tout se passe comme ça se passe d'habitude, le navire, ayant quitté Hobart, va rencontrer la banquise, le pack, comme nous l'appelons, 4 ou 5 jours plus tard. Suivant les circonstances, il faudra quelques heures ou peut-être un jour ou deux pour traverser ce pack. Puis nous retrouvons la mer intérieure, dénuée de glace. Et nous retrouvons enfin la banquise solide, compacte, celle-ci, suivant les circonstances, à 10, 15, 20 ou 30 milles de la côte. Le printemps vous amène-t-il des animaux nouveaux ? Je crois bien. C'est au printemps, bien entendu, qu'on voit reparaître là-bas les phoques, tous les mammifères marins d'ailleurs, les oiseaux, les pétrels et les manchots adélies. Là, je reconnais bien la voix de Paul-Émile Victor, ce timbre de voix que j'ai découvert quand j'étais plus jeune et comme beaucoup de personnes dans les conférences de la connaissance du monde, vous voyez, avant la télévision. Paul Émile décrit très bien la difficulté d'approche, effectivement, de la base du Mont d'Urville. Pendant longtemps, la France a eu l'Astrolabe, qui est un navire brise-glace, donc qui permettait effectivement de traverser ce pack. Et aujourd'hui, la France est dotée d'un nouveau brise-glace qui est tout neuf, qui s'appelle aussi l'Astrolabe, et qui, pendant 3 mois, permet d'amener tous les matériaux et les hommes depuis le sud de l'Australie, depuis la Tasmanie jusqu'à la base du Mont d'Urville. Et ça n'a pas changé, ça reste toujours un parcours assez difficile, surtout vers la fin, quand on se rapproche du continent. Ça dépend des années, de l'état de la glace. Les régions polaires, elles révèlent régulièrement des choses que l'on ne connaît pas. Il y a eu une campagne de plongeurs menée par Ballesta, qui est un grand plongeur, et ils ont plongé très bas, à presque 100 mètres de profondeur, dans les eaux froides, et ils ont ramené des images insoupçonnées. Insoupçonnés par la couleur des coraux, des nouvelles espèces qu'on ne connaissait pas. Les régions polaires n'ont pas révélé encore tous leurs secrets, en Antarctique donc, et au nord aussi. Mais vous savez, aujourd'hui, les régions polaires, donc c'est quelque chose qui est extrêmement étudié, parce qu'effectivement, elles nous révèlent l'évolution de notre climat. Mais pas que ça. Quand on fait des carottes dans la partie supérieure de la glace, on retrouve aussi d'abord des grandes éruptions volcaniques qui ont envoyé dans l'espace des kilomètres cubes de poussière et qui, avec l'air froid, descend petit à petit, se retrouvent. Alors quand sur une carotte, on voit un trait noir, on dit « tiens, une éruption volcanique ». Donc voyez tout ce que nous révèle l'épaisseur de la calotte. Et aussi nous révèle des choses, c'est qu'il y a de la radioactivité. Tous les essais radioactifs qui ont été faits nucléaires, aériens, ont envoyé dans l'atmosphère de la poussière radioactive. Et sur les régions polaires, ce sont des régions froides, l'air froid descend, il est plus lourd, et dépose sur la glace ces poussières radioactives que l'on a envoyées. Donc on peut suivre, si vous voulez, l'activité nucléaire aérienne des pays qui ont fait leurs essais aériens. Alors, dans l'épaisseur de la glace donc du pôle sud, on retrouve ces archives. Et dans le nord, en Arctique, quelque chose que l'on ne voit pas quand on y va, parce que l'eau est très pure, c'est très propre, on trouve des organochlorés, des pesticides, des métaux lourds. Et ces polluants, si vous voulez, on les retrouve dans le corps des animaux polaires. Parce que ces petites molécules toxiques, si vous voulez, se déposent sur ce qu'on appelle le phytoplancton, des petites herbes planctoniques qui les captent, qui est mangé par ce qu'on appelle le zooplancton. Le phyto, c'est l'herbe. Le zoo, c'est le petit animal qui va manger l'herbe planctonique. Ça va être mangé par une crevette, par exemple, par une morue, qui est mangée par le phoque, qui est mangée par l'ours. Et dans l'ours, aujourd'hui, quand on fait des biopsies, quand on fait une analyse du lait de la mer, on retrouve ces pesticides organochlorés. Et tout ça s'accumule dans les corps gras. Et tous les animaux, si vous voulez, de ces régions, sont équipés d'une grosse couche de graisse, qui est une réserve énergétique, et en même temps, qui est une façon de se protéger de ces zones froides. Eh bien, les femmes qui vivent au Groenland et qui allaitent leurs petits ne mangent plus de produits locaux, de la pêche locale, parce qu'effectivement, il y a une concentration de ces produits toxiques. On ne les voit pas, ils sont amenés par les grands fleuves qui traversent la Russie, l'Ob, l'Yénissée, la Léna, et puis ils sont amenés par les courants aériens aussi qui traversent ces immenses plaines agricoles du Grand Nord canadien et des États-Unis. Donc tout ce qui part dans l'atmosphère se disperse dans l'atmosphère, et à un moment donné, quand ça passe sur les régions polaires, comme elles sont froides, l'air froid descend, et descend avec toutes ces pesticides, ces métaux lourds, qui entrent ainsi dans la chaîne alimentaire. On y retrouve aussi, bien sûr, des plastiques. On trouve aujourd'hui des plastiques sur les plages du nord du Spitzberg, par exemple, qui sont amenés par les fleuves qui se déversent dans l'océan Arctique. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui est assez rebutant. On se dit, mais quand même, c'est une insulte, si vous voulez, à la nature. Mais ce qui est plus grave, c'est que ces plastiques-là, d'une manière générale, vont partir dans les océans. Ils sont broyés un peu, brassés par les vagues et par la mer, en microplastiques. Des petites boules de plastique toutes petites, sur laquelle va se développer l'herbe planctonique, le phytoplancton. Et pareil, de nouveau, le phytoplancton va être mangé par le zooplancton, par les poissons. C'est comme ça que ça rentre dans la chaîne alimentaire, si vous voulez. Donc les gros plastiques sont là pour nous alerter de ne pas envoyer n'importe où les matières plastiques, parce qu'un jour ou l'autre, elles vont se retrouver dans la chaîne alimentaire. Mais pas que le plastique, il va être habité par ce phytoplancton et par ces herbes planctoniques qui captent toutes ces saloperies qu'il y a dans l'océan. Donc vraiment, on a cru pendant longtemps qu'on pouvait dégazer tout ce qu'on voulait dans l'atmosphère, parce qu'on a l'impression d'en avoir dans le cosmos. Non, la couche de l'atmosphère, elle est très fine, elle est très petite. Et pareil pour les océans, on s'est dit, on peut y en envoyer. Vous voyez, un tout à l'égout dans l'océan, c'est tellement grand. Aujourd'hui, l'océan est saturé de notre irrespect. Les régions polaires, si vous voulez, ce sont des acteurs, bien sûr, du climat. Ils amènent le froid qui va compenser la chaleur tropicale, et en même temps, ce sont des témoins du changement climatique et de, je dirais, de l'impact environnemental à l'échelle planétaire. Words like violence break the silence, come and crashing in into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. C'était le groupe Moriarty qui interprétait « Enjoy the Silence ». Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Jean-Louis Etienne a toujours aimé la nature et les retraites en solitaire. Il se définit aujourd'hui comme créateur d'expéditions, un métier qui lui est tombé dessus il y a presque 30 ans. Alors pendant très longtemps, moi j'ai été médecin d'expédition, c'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, j'étais en Himalaya, pendant 12 ans j'ai fait ça, et à un moment donné, je me suis dit, mais maintenant j'aimerais faire la mienne, vous voyez, mon expédition après avoir accompagné l'Everest, le tour du monde. Et le pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que j'avais envie de réaliser, que je pouvais faire. C'était, si vous voulez, c'était mon Everest à moi, c'était mon Cap Horn, et c'était quelque chose qui n'est pas très technique, si vous voulez tirer un traîneau, c'est pas compliqué. Mais sur le terrain, je me suis rendu compte que c'était un engagement qui était dur, un engagement dur par la glace. C'est pas une patinoire, c'est très chaotique, très abîmé, donc on tire son traîneau lourd, passé par-dessus des blocs de glace, etc. Et la basse température, quand on démarre, j'ai connu moins 52 sous la tente au départ, au mois de mars. Et donc on a toutes les raisons d'abandonner, vous voyez. Moins 52, c'est très froid, très très froid, on est réveillé toutes les heures, tout le temps. Et il faut attendre l'arrivée du jour pour pouvoir de nouveau marcher. Quand on marche, on n'a pas trop froid. Quand on marche à l'effort, on sait qu'on a chaud. Alors ce qui est douloureux, c'est quand on s'arrête, je dis douloureux, le froid s'impose et on vit très vite dans une grotte de glace. En fait, nous ne sommes faits d'eau, hein, on ne s'en rend pas compte, mais on transpire même si ça ne dégouline pas sur la peau, on expire de l'air saturé d'humidité et dans le sac de couchage, ben, toute notre évaporation, elle est là-dedans et elle va geler à l'intérieur. Le soir, vous vous glissez dans un sac qui est rigidifié par la glace, les petites gouttes de glace qui sont à l'intérieur, et la chaleur du corps le réchauffe. Alors, quand j'ai été au pôle Nord, c'était en 1986, j'étais un cobaye. Je faisais un travail sur moi-même, enfin, une équipe avait travaillé sur l'adaptation au froid. Avant de partir, j'avais été dans un caisson à plus 1 degré, à poil, avec un petit vent, un petit ventilateur, et on a mesuré ma consommation énergétique. Donc, j'étais dans ce caisson, j'avais beaucoup tremblé, enfin bref, j'avais maintenu ma température à 37, mes pieds étaient à 8 degrés, mes mains aussi, mais la température de mon corps était restée à 37. Je suis resté 63 jours dans ce froid extrême du Grand Nord, et en rentrant, j'ai refait le même test, et on s'est rendu compte d'une chose intéressante, c'est que ma température de mon corps était descendue à 35,5 au repos. Donc, tout ça pour dire que le corps a cette intelligence d'adaptation. Parce que quand il fait froid, il faut se nourrir, il faut apporter de l'énergie au corps, il faut se protéger du froid. Et là, au lieu de me demander de manger beaucoup et de consommer des calories pour rester à 37, le corps a cette intelligence adaptative de descendre à 35,5. Ça a été l'objet d'une thèse de médecine. Ça, c'était... J'étais mon propre cobaye, si vous voulez, à ce moment-là. L'arrivée au Pôle Nord a été une libération. C'est un projet qui était difficile. Et ça a été un tournant dans ma vie. À ce moment-là, je me suis dit, ça va être ma vie. Organiser des expéditions polaires. Et à ce moment-là, donc, j'ai fait construire le bateau Antarctica. Et ce bateau Antarctica, qui s'appelle aujourd'hui Tara, je l'ai fait construire parce que j'avais en tête de refaire le Fram de Nansen, ce navire rond comme ça qu'avait construit Nansen, qui avait échappé à l'écrasement par la banquise. Et Antarctica, donc Tara aujourd'hui, a été construit sur ce principe. Je voulais refaire la dérive de Nansen, si vous voulez, à travers. Et après, j'ai fait d'autres expéditions. J'ai dérivé sur la banquise avec le Polar Observer. Ça, c'était pour regarder l'impact du réchauffement climatique. Je faisais des mesures sur l'océan, etc., sur l'épaisseur de la glace que j'envoyais à des laboratoires. Et en Antarctique, avec ce bateau, nous avons fait beaucoup de relations pédagogiques. J'aime être un témoin. Je ne suis pas un scientifique du terrain, j'amène des scientifiques. Mais je dirais mon rôle, il est plus un rôle de conteur. Le maillon entre la complexité de la science et la compréhension du grand public et des élèves. Et ça, c'est un rôle que je prends bien volontiers. Essayer de trouver des mots simples pour parler de phénomènes complexes. Alors, écoutez, ce que j'aime raconter aux jeunes, c'est mon parcours, voyez. J'ai un parcours très particulier. J'avais pas les notes pour entrer en sixième. J'étais orienté vers une formation professionnelle. J'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Et ça a été le geste manuel de la formation professionnelle, quelque chose qui m'a remis en confiance. Et donc, la scolarité est devenue plus attractive pour moi. J'ai été orienté vers le bac. J'ai passé un bac, donc j'ai fait médecine après. Après, j'étais interne en chirurgie. Mais j'avais quelque chose de profond, ancien en moi, c'était l'envie de faire des expéditions, qui était un rêve de gamin. Et c'est comme ça, si vous voulez, que petit à petit, j'ai été médecin d'expédition et puis je suis devenu... Donc ce que j'aime transmettre, c'est que si vous avez une petite lumière, quelque chose qui s'est allumé dans votre jeunesse, dans votre enfance, comme moi, cette histoire des expéditions, j'habitais à la campagne, dans le Tarn, loin des montagnes, loin de tout, mais je m'inventais des histoires d'expéditions. Et je leur dis, si vous avez une petite lumière qui s'est allumée, quelque chose que vous avez comme un désir profond, il faut s'accrocher à ça. Persévérer sur le chemin de vos rêves, même si la voie est difficile. Alors, quand je leur parle des pôles, on me pose la question régulièrement, est-ce que les pôles fondent ? Parce qu'on en parle tout le temps. Je leur explique le rôle des pôles dans l'équilibre de la planète. Le climat, si vous voulez, la machine climatique dont on parle beaucoup, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Il fait toujours chaud sous les tropiques, été comme hiver, et la nature va toujours dans le sens de l'équilibre. Eh bien, la chaleur tropicale, elle est échangée avec le froid des deux pôles, nord et sud. Elle se fait par les courants aériens rapides. Ça va vite, c'est ce qu'on appelle la météo, les changements rapides du temps, et elle se fait aussi par les océans. Un exemple, le Gulf Stream. Le Gulf Stream, il prend la chaleur qui s'est accumulée dans le secteur de la Caraïbe et va monter vers le nord. Et donc, je leur dis aujourd'hui, l'Arctique, le Grand Nord, se réchauffe beaucoup plus vite qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'Arctique, le Nord, change de couleur. C'était blanc la majorité du temps, la neige sur la terre, la glace sur la mer. Aujourd'hui, avec la fonte de la glace et de la neige qui arrive plus tard, qui repart plus tôt, ça devient une zone sombre qui capte. Eh bien, on a ouvert la porte du frigo. Et ce froid risque de nous manquer pour équilibrer la chaleur tropicale. Donc je leur dis, voyez, les régions polaires, il faut les conserver intactes. Donc il faut s'attaquer sérieusement au réchauffement climatique. Depuis que je fréquente les régions polaires, ma première expédition en 1985, puis 86, j'y suis revenu plusieurs fois. J'ai constaté une chose, c'est que ce qu'on appelle les crêtes de compression, c'est-à-dire cette plaque qui bouge, qui se forme, ces pans de banquise qui entrent en collision, forment des murailles. Et bien aujourd'hui, ces murailles, elles sont bien moins hautes. Elles faisaient 5-6 mètres de hauteur en 1986. Aujourd'hui, elles font 3-4 mètres de hauteur. Pourquoi ? Parce que la banquise perd de son épaisseur. Elle perd de sa surface, on le voit tous les ans, on nous dit, les satellites à la fin de l'été nous disent, il y a moins de banquise. Mais de visu, on peut voir que les crêtes de compression sont moins hautes. Ça, c'est au nord, en Arctique. En Antarctique, j'ai traversé tout ce continent en partant de la péninsule, qui est cet appendice, si vous voulez, qui sort de l'Antarctique en direction du Cap Horn. On est parti de là, et on marchait sur de la glace qui était accrochée à la côte, un ice shelf. Ben aujourd'hui, Les premiers 600 kilomètres de glace qu'on a empruntés ont disparu. On ne pourrait plus refaire, si vous voulez, la traversée qu'on a faite dans son intégralité, parce que en 2000 et en 2002, deux grands pans de plateformes de glacière se sont décrochés et sont partis, ont disparu. Donc c'est quelque chose qui va très très vite. Alors je suis passionné par ces régions, je m'y suis consacré beaucoup, et j'ai un projet en cours qui s'appelle Polar Pod, Polar comme polaire et Pod, P-O-D, plateforme océanographique dérivante. C'est un grand flotteur vertical qui fait 100 mètres de haut, il y a 80 mètres sous l'eau, et on habite dans la partie au-dessus de la mer, et il va être entraîné par le courant circumpolaire, c'est les fameux 50e hurlants. Il y a un courant qui fait le tour de l'Antarctique, le tour du pôle sud. C'est immense, ça fait 22 000 km de circonférence. C'est un océan géant qui est méconnu. Toutes les publications se terminent, on a besoin de mesures in situ. C'est ça qui m'a aiguisé en me disant, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'on peut construire comme plateforme, comme navire qui soit suffisamment stable pour accueillir des chercheurs à toute saison, été comme hiver, autour de cet océan de tempête. Donc ça s'appelle le Polar Pod. Et on va le construire en 2019. En principe, le départ, c'est en 2021. Ça va durer 2 ans. On va être entraîné par le courant. Il y aura 7 personnes à bord, 3 marins et 4 chercheurs. On est bardé de capteurs. Une des mesures importantes, on va mesurer la capacité de cet océan, ces eaux froides, à absorber le gaz carbonique que l'on émet en excès. C'est ce qu'on appelle un puits de carbone. Il capte le CO2 que l'on émet en excès. Donc c'est un acteur du climat dont on ne connaît pas bien la performance. Ça, c'est une des mesures importantes qu'on va ramener. Deuxièmement, comme on est à 80 mètres de profondeur, il y a le silence, on va avoir des hydrophones, des micros sous l'eau, et on va écouter la faune. On connaît aujourd'hui la signature sonore de toutes les espèces. On va dire, tiens du krill, tiens un phoque, tiens un orque, etc. Donc on va faire un inventaire de la faune. On va valider des mesures satellites, parce que les satellites qui nous tournent autour ont besoin d'une validation au sol. Et puis on va faire un examen de cette eau. Y a-t-il des microplastiques? Y a-t-il des contaminants? Un volet très important aussi de l'impact des activités humaines sur cet océan, bien loin de la civilisation. Que ce soit au pôle ou à Paris, Jean-Louis Étienne aime marcher. Il le raconte dans un livre paru chez Paulsen Éditions, Dans mes pas. Comme toutes les émissions de cette série de l'été, celles des semaines passées et celles des semaines à venir, cette émission est en libre podcast sur le site de France Inter pour que vous puissiez glisser tous les épisodes dans votre bagage de vacances. Je vous rappelle que Les Saventuriers se déclinent désormais en livre. Les grandes épopées qui ont fait la science sont parues chez Flammarion. Et c'est une coédition France Inter. Clément Baudet réalise Les Saventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son Clément Vuillet et Raphaël Rousseau. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Au programme la semaine prochaine, samedi, la fabuleuse aventure des sondes Voyager qui nous envoie toujours des signaux depuis l'espace, 41 ans après leur lancement. Dimanche, il y aura l'histoire de la conquête de Mars. Très bonne semaine à tous.